Jacquemont m'avait demandé de parler avec vous de Lorca et de la maison de Bernarda. J'ai accepté parce que j'admire beaucoup Lorca, mais je m'aperçois que de nous deux, c'est vous qui connaissez le mieux ce poète et de beaucoup, et je crois que j'ai beaucoup à apprendre de vous. Alors si vous voulez bien, c'est moi qui vous interrogerai. Et pour commencer, je vous demanderai, afin de nous mettre bien d'accord, de me résumer le sujet de la pièce. Bien, en une phrase, on peut dire que le sujet de la pièce est tout entier dans son titre. C'est vraiment la maison de Bernarda qui est le sujet de la pièce, et l'histoire, ce sont les murs qui dévorent les habitants de cette maison. Oui, ça c'est une vue de poète ou de metteur en scène, mais ça n'est pas tout à fait le sujet de la pièce. D'une façon plus réelle, plus concrète, c'est le sujet de la pièce, c'est cinq filles enfermées dans une maison. Pourquoi sont-elles enfermées ? Parce qu'elles viennent de perdre leur père, et la mère qui est veuve veut pendant 8 ans... cloîtrer ses filles et accomplir son veuvage avec la plus grande sévérité. C'est cette claustration qui fait la pièce et qui fait le drame. Est-ce cela ? Oui, c'est cela. Bon. Tout à l'heure, Jacquemont, vous me disiez qu'il y avait 3 sortes de pièces dans le théâtre de Lorca. Nous avons été interrompus. Je vous reprends la conversation à ce point-là. Quelles sont ces 3 sortes de pièces ? On peut dire qu'il y a 3 sortes de pièces dans le théâtre de Lorca. Il y a les pièces qu'il écrivait pour son plaisir et celui de ses amis chez lui, qui étaient souvent des pièces de guignol, et avec des collaborateurs illustres comme Faya, car Lorca était non seulement poète, auteur dramatique, mais aussi musicien et dessinateur et décorateur. Il y a les pièces qui sont inspirées par son expérience de la baraca, ces tournées qu'il faisait avec des étudiants dans les provinces espagnoles, et qui sont, si vous voulez, dans le fil de la tradition du théâtre populaire espagnol, comme par exemple La Savetière prodigieuse. Et puis il y a sa grande trilogie paysanne, qui chronologiquement se compose de Noces de sang, Yerma et La maison de Bernarda. À quoi, je crois, il faut ajouter une pièce tout à fait caractéristique et touchante et vivante du théâtre de Lorca, qui est Doña Rosita ou Le langage des fleurs. En somme, Jacquemont, il y a dans le théâtre de Lorca et surtout dans ces 3 grandes pièces un thème commun, c'est la révolte des femmes. Révolte des femmes contre la morale qui les tient enfermées, révolte des femmes contre ce mur qui les empêche de rejoindre les hommes. Cette révolte grandit dans l'intérieur des maisons jusqu'au drame, et ce drame s'achève toujours par une mort. Mort à la fin de Yerma, mort à la fin des Noces de sang, et mort surtout, parce qu'elle est terrible, à la fin de La maison de Bernarda. Oui, les femmes luttent contre la solitude, et nous trouvons là, dans cette lutte contre l'impossibilité de communiquer, un thème constant du théâtre espagnol qui nous donne Don Juan, qui nous donne les mystiques espagnols et qui nous donne aussi Don Quichotte. Bernarda est un espèce de Quichotte féminin, un Quichotte de la fausse morale, avec près d'elle un personnage qui est son Sancho Panza, qui est la vieille domestique Poncia, qui a tellement d'importance dans cette maison dont nous voyons la vie familière, familiale. Dites donc, Jacquemont, ce sujet est tellement simple, comme tout ce qui est beau, il est tellement simple qu'il me semble que cette aventure-là a dû se produire souvent en Espagne. Il me semble qu'il y a dû souvent y avoir des femmes cloîtrées parce qu'il y avait un veuvage ou parce qu'il y avait un mort à pleurer. Très exactement, la maison de Bernarda Alba était la maison voisine des parents de Federico Garcia Lorca, et dans sa jeunesse, il a connu cette histoire qui se passait dans la maison de ses voisins, et il nous a redonné cette histoire. C'est là que le génie se manifeste à partir d'une anecdote toute simple, toute claire, et qu'il en fait un chef-d'œuvre. Je me bats les tempes. Depuis plus de 2 heures, elle sonne la prière des morts. Il est venu des prêtres de tous les villages. L'église était magnifique. Et voilà qu'au premier répond, la Magdalena s'évanouit. Ah, c'est elle qui se trouvera la plus solitaire. Le père n'aimait qu'elle. Enfin, grâce à Dieu, Nous voilà tranquilles un moment. J'ai trouvé quelque chose à manger. Oh, si Bernarda te voyait. Parce qu'elle ne mange pas, elle voudrait que toutes nous mourions de faim. Le tyran, j'en ai assez. Tu vois, j'ai ouvert le pot de saucisses. Poncia, tu m'en donnes pas pour ma petite. Vas-y, et prends aussi une bonne poignée de pois chiches. Aujourd'hui, elle ne s'apercevra de rien. C'est la vieille, est-elle bien enfermée? Un double tour. Tu devrais mettre le verrou, elle a des doigts de crocheteuse. Bernarda! Je viens! Nettoie bien tout. Si Bernarda ne voit pas que ça a lui, elle m'arrachera le peu de cheveux qui me reste. Quelle femme! Tirons-nous autres autour d'elle. Elle est capable toute une année de rester assise sur ton cœur et d'attendre et de voir comment tu vas mourir. Et jamais elle ne fermera le sourire gelé de sa figure maudite. Nettoie, nettoie ce carreau. J'ai tant frotté, j'ai du sang plein les mains. Elle, elle est la plus propre et la plus digne et la plus fière. Le bon repos que son mari a gagné. Tous ses parents sont-ils venus? Seulement les siens, si son mari la déteste. Ils sont venus le voir mort, ils se sont signés. Est-ce qu'il y a assez de chaises? Il y a trop de monde, ils s'assiront par terre. Depuis qu'il est mort, le père de Bernarda, personne ne s'est risqué sous ce toit-ci. Elle ne veut pas qu'on la voie dans son royaume. Maudite soit-elle. Elle a l'air bien avec toi. Voilà 30 ans que je mange, que je lave ses draps. 30 ans que je mange ses restes. Que je passe des nuits blanches quand elle tousse. Que je reste derrière les barreaux des journées entières, espionner les voisins, à lui répéter tout. Vieille sans respect pour les choses secrètes. Maudite soit-elle. Que la mâle douleur du clou s'enfonce entre ses yeux. Mais voyons. Pourtant, je suis une bonne chienne. Je vole quand elle me le demande. Si elle m'y excite, je mords les talons de ceux qui viennent mendier. Mes fils travaillent sur cette terre. Ils sont déjà mariés tous les deux. Mais un jour, je me lasserai. Ce jour-là, je m'enfermerai avec elle pendant toute une année. Tu m'entends? Et je ne cesserai de la couvrir de mes crachats. Celui-ci, Bernarda, c'est pour ceci. Pouh! Celui-là, pour ça. Pouh! Et l'autre, et les suivants. Pour tout le reste et pour tout. Jusqu'à faire d'elle un lézard écrasé par les enfants. Lézard qu'elle est, elle et toute sa parenté. Oh, sûr que j'en vis pas son existence. Il lui reste sa fille, sa laideron. Excepté Angustias, l'aînée, celle du premier lit, celle qui possède les deniers. Les autres ont un tas de linge brodé, des chemises de fil. Mais en fait d'héritage, rien que leur pain et leur raisin. Eh bien, moi, je serais contente d'en avoir autant qu'elle. Nous avons nos mains. Et une force dans la terre de la vérité. C'est la seule terre qui nous reste, à nous qui n'avons rien. Ah, ce verre a des saletés. Ni le savon, ni les chiffons ne peuvent les enlever. Ah, c'est le dernier répond, je m'en vais l'entendre. Moi, j'aime entendre chanter le curé. Dans le pater, sa voix monte, monte. On dirait une cruche qui se remplit d'eau. Sûr qu'à la fin, il fait un couac. Mais ça fait plaisir de l'écouter, puisque personne ne chante comme l'ancien sacristain, celui qui esquinte l'harmonium. À la messe de ma mère, Dieu est son âme. Il chantait, les murs en croulaient. Et quand il est arrivé à l'amen, on aurait dit un loup dans l'église. Oh! Ah, tu vas te mettre le gosier en miettes. Il y a beaucoup de choses que je voudrais mettre en miettes. Ding, ding, ding. Que Dieu lui pardonne. Loué soit Dieu. Ding, ding. Et qu'il nous attende de nombreuses années. Loué soit ding, Dieu. Ding, pour toujours. Je viens pour les restes. La porte mène à la rue. Les restes d'aujourd'hui sont pour moi. Écoute, tu as ce que tu gagnes. Ma petite et moi, nous sommes seuls. Les chiens sont seuls aussi et ils vivent. Tu me les donnes toujours. Mais file ! Qui t'a dit d'entrer ? Tu as déjà marqué tes pieds. Des planchers vernis à l'huile. Des lits de fer. Des placards. Nous esquintons pour ces êtres-là. C'est nous qui vivons dans un trou de terre avec une écuelle et une cuillère. Oh, Dieu fasse qu'un jour, il n'en reste plus une de notre espèce pour les maudire. Ah, les voilà. Les voilà leur clameur. La voilà sa boîte, avec ses ficelles dorées, ses serviettes de soie et les mains des porteurs. Va-t'en pourrir autant que je pourrirai moi-même. Bien fait pour toi, Antonio Maria Benavides, tout raide dans ton beau costume de drap, avec tes souliers montants. Bien fait pour toi. Tu ne viendras plus me trousser les jupons derrière la porte de ta basse-cour. Aïe! Antonio Maria Benavides, tu ne verras plus ces murs. Aïe! Tu ne mangeras plus le pain de cette maison. Aïe! De toutes celles qui t'ont servi, c'est moi qui t'ai le plus aimé. Et maintenant que tu es parti, il faut que je vive. Aïe! Il faut que je vive. Moins de cris, plus de travail. Tu aurais pu mieux nettoyer pour recevoir le cortège. Va-t'en, ce n'est pas ta place. Les pauvres sont comme les animaux. Ils ont l'air faits d'autres substances. Les pauvres éprouvent aussi le chagrin. Mais ils l'oublient devant un plat de pois chiches. Il faut manger pour vivre. À ton âge, on ne parle pas devant les grandes personnes. Petite, tais-toi. Je ne permets pas qu'on me donne des leçons. Asseyez-vous. Magdalena, ne pleure pas. Si tu pleures, je te mets sous le nez. Tu m'as entendu? Tu as commencé les travaux sur l'air? Hier. Le soleil tombe comme du plomb. Il y a des années que je n'ai connu pareille chaleur. La limonade est-elle prête? Oui, Bernard. Donne-en aux hommes. Ils la prennent dans la cour. Et qu'ils sortent par où ils sont entrés, je ne veux pas qu'ils s'arrêtent par ici. Pépil Romano se trouvait avec les hommes du cortège. Oui, il y était. C'était sa mère. Cette petite a vu sa mère, Pépé ne l'a pas vue, ni elle ni moi. Il me semblait. Celui qui s'y trouvait, c'était le veuf de Darajali. Très près de ta tante. Celui-là, nous l'avons toutes bien vu. Mauvaise. Pire que mauvaise. Langue de rasoir. Les femmes à l'église ne doivent pas regarder d'autre homme que l'officiant. Et encore parce qu'il porte des jupes. Tournez la tête, c'est chercher la chaleur de la treille. Vieille lézarde recuite, sarmenteuse par fièvre de mâle. Loué soit Dieu. Béni soit-il et loué toujours. Qu'il repose en paix dans la sainte compagnie de Jésus. Qu'il repose en paix. Avec Saint Michel et son épée justicière. Qu'il repose en paix. Avec la clé qui ouvre tout et la main qui ferme tout. Qu'il repose en paix. Avec les bienheureux et les lumières dans la campagne. Qu'il repose en paix. Avec notre sainte charité, les âmes de la terre et de la mer. Qu'il repose en paix. Seigneur, accorde le repos à ton serviteur Antonio Maria Benavides. Et donne-lui la couronne de ta sainte gloire. Amen. Requiem aeternam dona et domine. Et lux perpetua lucea Dei. Demandant le salut pour son âme. La miche de pain chaud ne te manquera pas. Ni le toit pour tes filles. C'est du blé de ton mariage que tu continues à profiter. Des hommes, cette bourse d'argent pour les répons. Remercie-les. Donne-leur un verre d'eau de vie. Magdalena! Allez dans vos cavernes! Mais si, qu'est-ce que vous avez vu? Attendez de nombreuses années avant de passer sous la voûte de ma porte. Oui! Personne ne s'en plaindra, tout le village est venu. Évidemment, pour remplir ma maison avec la sueur de leur cotte et le venin de leur langue. Mère, ne parle pas ainsi. C'est ainsi qu'il convient de parler. Dans ce maudit village sans rivière, ce village de puits pourris. Dans quel état elles ont mis l'entrée? Un vrai troupeau de chèvres. Petite, donne-moi un éventail. Est-ce l'éventail qu'on donne à une veuve? Donne-moi un noir et apprends à respecter le deuil de ton père. Prenez le mien. Et toi? Je n'ai pas chaud. Alors va chercher celui qui te manquera. Pendant les 8 années que durera le deuil, le vent de la rue ne doit pas entrer dans cette maison. Les portes et les fenêtres vont être murées par des briques. Comprenez-le. Ce fut ainsi dans la maison de mon père et dans la maison de mon grand-père. En attendant, vous pouvez commencer à broder vos trousseaux. Dans le coffre, vous pourrez trouver des pièces de toile pour y couper des draps et des serviettes. Magdalena, tu peux broder. Ça m'est égal. Si tu ne veux pas les broder, ils iront sans lettres. Ainsi, les tiens feront plus d'effet. Je ne broderai ni les miens, ni les vôtres. Sache que je ne me marierai point. Je préfère porter des sacs au moulin. Tout plutôt que d'être enfermée des jours et des jours dans cette salle obscure. Tu oublies que tu es une femme. Oh, maudite soit les femmes. Ici, on fait ce que je dis de faire. À présent, tu n'iras pas raconter d'histoire à ton père. Le fil et les aiguilles pour les femelles. La mule et le fouet pour le mâle. Tu as ce que ta naissance t'a donné. Bernard, laisse-moi sortir. Laissez-la donc. J'ai eu du mal à la retenir. Avec ses 80 ans, ta mère est forte comme un chêne. Elle a de qui tenir, ma grand-mère était comme elle. Pendant la messe, j'ai dû lui tenir la tête sous un sac. Elle voulait t'appeler pour que tu lui donnes de l'eau de vaisselle et de la viande de chien. Même qu'elle disait que tu lui en donnes d'habitude. Quelle malice! Fais-la boire dans la cour. Elle a tiré du coffre ses anneaux et ses pendants d'améthyste. Elle les a mis, elle dit qu'elle veut se marier. Va-t'en avec elle. Et prends garde qu'elle n'approche pas du puits. Pas de danger qu'elle s'y jette. Ce n'est pas pour ça, mais dans ce coin-là, les voisines peuvent la voir de leur fenêtre. Allons changer nos robes. Changez-les et gardez, enlevez vos voiles de tête. Je l'ai vue. Elle regardait par les barreaux du portail. Les derniers hommes s'en allaient. Et toi, que faisais-tu au portail? J'étais allée voir si l'on avait rentré les poules. Le cortège des hommes était-il déjà sorti? Il en restait un groupe arrêté par là. Angustias? Angustias! Que voulez-vous? Qui regardais-tu? Personne. Tu trouves convenable qu'une femme de ton rang se coule l'hameçon derrière un homme pendant qu'on enterre son père? Réponds-moi, qui regardais-tu? Qui, moi? Toi. Personne. C'est ça, de l'onction du miel. Bernard, calme-toi. Chantez toutes. N'a pas mesuré la portée de son geste. Sûr que c'était franchement mal. Moi aussi, je suis choquée de la voir se mettre en chaleur au beau milieu de la cour. Ensuite, elle est allée se fourrer derrière une fenêtre pour écouter la conversation des hommes. Comme toujours, c'était à se boucher les oreilles. Voilà pourquoi ils viennent aux enterrements. Que disait-il? Il parlait de Paca, la Rosita. L'autre nuit, ils ont attaché son mari à un râtelier. Quant à elle, ils l'ont emportée sur la croupe d'un cheval jusqu'au haut de l'hiver. Et elle, que disait-elle? Elle était enchantée. Il paraît qu'elle avait les seins d'or. Et Maximilien l'a serrée comme une guitare. Quelle horreur! Que s'est-il passé? Ce qui devait se passer. Ils sont revenus au petit jour. Paca la Rosita avait les cheveux défaits, une couronne de fleurs sur la tête. Elle est la seule femme honteuse du village. C'est qu'elle n'est pas d'ici, elle vient de très loin. Et ceux qui sont allés avec elle, eux aussi, tous des fils d'étrangers. Les hommes d'ici n'agiraient pas comme ça. Peut-être pas, mais... ils aiment ouvrir l'œil et jaser. Quant à ce qui arrive, ils s'en moquent. Racontez bien d'autres choses. Quoi? Ça me fait rougir de le répéter. Dire que ma fille les a entendus. C'est certain. Elle sort de ses tentes blanches et mielleuses et ouvrant des yeux de vache au compliment du premier blanc-bec. Faut-il pas souffrir pour élever des femmes convenables et lutter pour les écarter de la rue? Il faut dire que tes filles sont maintenant en âge d'épousailles. Elles ne te donnent pas trop de mal. Angustias doit avoir passé les 30 ans. 39, juste. Croirait-on? Et jamais il n'a eu de galant. Non. Aucune jamais n'a eu de galant et le galant ne leur manque pas. Elles peuvent très bien s'en passer. Je n'ai pas voulu t'offenser. Sans lieu à la ronde, il n'y a pas d'homme digne de les approcher. Tous ceux d'ici ne sont pas de leur classe. Veux-tu que je les livre ? Un valet. T'aurais dû t'en aller dans un autre village. Faire ça, pour les vendre. Mais non, Bernarda, pour changer. Peut-être qu'en d'autres endroits, elles se trouveraient plus pauvres. Arrête cette langue qui me ronge. Avec toi, on ne peut jamais parler. Nous faisons-nous confiance ou pas ? Rien de ça, tu me sers et je te paye. Rien de plus. Il y a Don Antonio qui vient pour régler les partages. Allons-y. Toi, commence à blanchir la cour. Et toi, va-t'en surveiller le linge du mort dans la réserve. Nous pourrions donner deux ou trois chances. Rien ! Ni un bouton, ni le mouchoir qui lui a couvert la figure. As-tu remarqué ? Maria n'était pas à l'enterrement. Je le savais déjà. Son galant ne la laisse même pas enjamber la rue. Autrefois, elle était gaie, maintenant. Pas un grain de poudre sur la figure. On ne sait jamais s'il faut avoir un galant ou pas. Aucune différence. La faute de tout ce malheur est à cette chienne qui ne nous laisse pas vivre. Maria aura passé une mauvaise journée. Tous les parents de Maria redoutent notre mère. L'histoire de son père, l'histoire de sa fortune, personne d'autre ne la connaît. Quand elle vient ici, les allusions ne manquent pas. Ainsi, son père avait commencé par tuer à Cuba le mari de sa première femme pour épouser celle-ci. Puis, il l'abandonna et partit avec une autre femme. Puis, il eut des rapports avec une autre fille, la mère de Maria, qu'il épousa après avoir rendu folle sa seconde femme. Et cette infâme n'est pas en prison ? Les hommes se cachent les uns aux autres les affaires de ce genre. Et personne n'est capable de les dénoncer. Mais Maria n'est pas responsable de ces abominations. Non. Mais les choses se recommencent. Je vois que la vie est une terrible répétition. Et elle, elle porte le même sort que sa mère, sa grand-mère, chacune maîtresse de son père. Oh, c'est épouvantable. Il vaut mieux ne jamais voir d'hommes. Depuis que je suis petite, j'en ai peur. Je les voyais dans la cour de la ferme atteler les bœufs, soulever les sacs de blé, au milieu de cris et de coups de pied. J'ai toujours eu peur de grandir, par crainte de me trouver tout d'un coup embrassée par eux. Dieu m'a faite malingre et laide. Il les a définitivement écartés de moi. Ne dis pas ça. Tout à l'heure, Enrique Humanes était derrière toi. Il ne te déplaisait pas. Invention des gens. Tiens, l'autre nuit, je suis restée jusqu'au jour derrière ma fête. La fille de son valet est mon amie. Elle devait venir, elle n'est pas venue. Et tout le reste n'a été qu'une histoire bâtie par les langues. D'ailleurs, il en a épousé une autre, qui avait plus de bien que moi. Et laide, comme le diable. Que leur importe la laideur. À eux, il leur faut la terre, les bœufs, une bonne chienne soumise qui leur donne à manger. Hélas. Que fais-tu ? Je suis ici. Et toi ? Je viens de circuler à travers les chambres pour marcher un peu. J'ai vu les canevas brodés de notre grand-mère, le petit chien de laine, le nègre qui lutte avec le lion. Il nous amusait quand nous étions petites. Ah, l'époque était plus joyeuse. Une noce durait 10 jours et les mauvaises langues ne s'usaient pas. Ah, aujourd'hui, on est plus raffinés. Les fiancées mettent des voiles blancs à la façon des villes. Elles boivent du vin fin. Mais elles pourrissent à redouter ce que les gens diront. Mais sinon, tu sais bien ce qui se passerait. Ouf. Et Adela. Adela. Elle s'est mise la robe verte qu'elle s'est faite pour son anniversaire. Oh. Elle est entrée dans la basse-cour et elle s'est mise à crier. Poule, poule, regardez-moi. J'avais une envie de rire. Oh, si notre mère l'avait vue. Ah, la pauvre. C'est la plus jeune de nous toutes. Et elle a des illusions. Je donnerais quelque chose pour la voir heureuse. Quelle heure est-il ? Il doit être sur les 11 heures. Si tard ? Leurs coups vont tomber. Vous savez la chose ? Non ? Allons donc. De quoi veux-tu parler ? Mais vous la savez mieux que moi, vous êtes toujours toutes les deux en tête à tête comme des brebis, mais muettes pour les autres. L'affaire de Pépé le Romano. Hein? Tout le village en parle. Pepe el Romano va se marier avec Angustias. La nuit passée, il tournait autour de la maison. Je crois qu'il ne va pas tarder à envoyer son émissaire. Ça me fait plaisir. C'est un homme très bien. Et moi aussi. Angustias, c'est la femme qu'il lui faut. Oh, toutes les deux, vous me faites pitié, mais s'il venait pour la mine d'Angustias, pour Angustias, la femme, je me réjouirais. Il vient pour l'argent. Angustias a beau être notre sœur. Ici, nous sommes en famille, mais tu avoueras que c'est une vieille infirme. La plus ingrate de nous toutes. À 20 ans, elle avait l'air d'un balai habillé. Ah, que sera-t-elle à 40? Non, pas ainsi. La chance vient qui la cherche le moins. Dis plutôt la vérité. Angustias possède l'argent de son père. Elle seule est riche dans la maison. Nous, notre père est mort et notre mère garde l'argent. Voilà pourquoi les demandes vont à elle. Pepe el Romano a 25 ans. C'est le plus beau garçon du pays. Amelia, c'est toi qu'il devrait demander. Ou Adela, qui a 20 ans, cela se comprendrait. Mais aller chercher la plus obscure de cette maison... C'est peut-être ce qu'il aime. Faucheton, tu es insupportable. Dieu nous juge. Adela, les poules t'ont vu. Pourquoi ne m'aurait-elle pas vu? Si notre mère te voit, elle t'arrache les cheveux. Ces idées sur les vêtements sont stupides. Celui-ci, elle m'en aurait orné le grand jour des pastèques à la Noria. Je l'aurais inondé de jus. Mais l'une de ses filles aurait fait pâlir toutes les mères du village. Quelle jolie robe! Elle me va très bien. C'est la réussite de Magdalène. Et les poules, que t'ont-elles dit? Elles m'ont fait cadeau de leur puce. J'en ai les jambes toutes crispées. Ce que tu pourrais faire, c'est la teindre en noir. Le mieux serait d'en faire cadeau à Angustias pour sa noce avec Pepe el Romano. Comment? Pepe el Romano? Tu ne l'as pas entendu dire? Non. Te voilà prévenue. Ce n'est pas possible. L'argent peut tout. Voilà pourquoi il est sorti après l'enterrement. Voilà pourquoi il regardait par le portail. Cet homme est capable. Il est capable de tout. Adela, à quoi penses-tu? Je pense que ce deuil m'a saisi à une époque où je le trouve intolérable. Tu t'habitueras. Non, je ne m'habituerai pas. Je ne veux pas être enfermée. Je ne veux pas que ma peau devienne comme la vôtre. Je ne veux pas perdre mon teint dans ces chambres. Demain, je mettrai mon costume vert et j'irai me promener dans la rue. Je veux sortir. Adela. Oh, la pauvre. Quelle peine elle a de la mort de son père. Elle ressent ce que toutes nous ressentons. Un peu plus, la domestique t'entendait. Pepe le Romano arrive dans le haut de la rue. Oh, allons le voir. Oh, tu n'y vas pas. Ça m'est égal. Il tournera au coin. De la fenêtre de ta chambre, on verra mieux. Maudit partage. Angustias a bien de l'argent. Évidemment. Et les autres, beaucoup moins. Tu me l'as déjà dit 3 fois, je ne t'ai pas demandé de répondre. Un peu moins ou beaucoup moins, ne me le rappelle pas. Angustias! Mère? Tu as donc eu le front de te poudrer. Tu as eu le front de te laver la figure le jour de la messe de ton père. Il n'était pas mon père. Le mien est mort depuis longtemps, l'avez-vous déjà oublié? Tu dois plus à cet homme, le père de tes sœurs, qu'au tien. Grâce à cet homme, ta fortune est bien assise. Je voudrais voir cela. Pense au moins à la décence, au respect. Mère, laissez-moi sortir. Sortir? Enlève d'abord cette poudre de ta figure. Pommadée, petite gueule. Tu es bien le miroir de tes tantes, maintenant va-t'en. Bernardin, sois pas si pointilleuse. Ma mère a beau être folle, moi je jouis de tous mes sens. Et je sais parfaitement ce que je fais. Que se passe-t-il? Il ne se passe rien. S'il s'agit du partage, toi qui es déjà la plus riche, tu peux tout garder. Garde ta langue dans ton terrier! Ne vous imaginez pas que vous aurez le moindre pouvoir sur moi! Tant que je ne serai pas sortie de cette maison, les pieds devant, je commanderai! pour moi et pour vous. Bernarda! Bernarda, où est ma banquille? Tout ce que j'ai est à moi! Rien pour vous, rien pour vous autres! Ni mes anneaux, ni mon costume de moire! Parce qu'aucune de vous ne se mariera, aucune! Bernarda, donne-moi mon collier de perles! Pourquoi l'as-tu laissé sortir? Je me suis échappée! J'ai l'intention de me marier! Je veux me marier avec un mâle! Un fils du bord de la mer! Plus qu'ici, les hommes fuient les femmes! Merdez-vous! Non, je ne me tairai pas! Je ne veux plus voir cette femme célibataire. Elle trépigne à l'envie de la noce qu'elles ne connaîtront jamais. Leur cœur tombe en poudre. Moi, je veux retourner dans mon pays. Je veux un bal pour me mettre avec lui. Mais Bernarda, je veux avoir de la joie. Enfermez-la. Bernarda, laisse-moi sortir. Et allez donc vous autres. Je veux m'en aller d'ici, Bernarda. Je veux me marier au bord de la mer. Bernarda. J'ai fini de couper le troisième drap. Il est pour Amélia. Dis-moi, Augustin, dois-je broder les initiales de Pépé? Non. Adéla! Tu ne viens pas? Elle se sera jetée sur son lit. Elle a sûrement quelque chose. Je la trouve agitée. Elle ne cesse de trembler, comme si elle avait un petit lézard entre les seins. Elle porte le même malheur que nous toutes, ni plus ni moins. Toutes sauf Augustin. Je me trouve bien. Celui que ça gêne, qu'il en crève. Reconnaissons que ton plus grand agrément a toujours été le tact et la délicatesse. Dieu merci, je vais bientôt pouvoir sortir de cet enfer. Et si tu n'en sortais pas? Arrêtez cette conversation. Et d'ailleurs, mieux vaut Michaud coffre que beaux yeux dans la figure. Oh, ça m'entre par une oreille, ça me sort par l'autre. Ouvre la porte de la cour, il entrera peut-être un peu de fraîcheur. Cette nuit, la chaleur n'a pas laissé dormir. Moi, pas davantage. Je me suis levée pour boire, il y avait un gros nuage d'orage. Il est même tombé quelques gouttes. À 1h du matin, le feu sortait de la terre. Moi aussi, je me suis levée. Angustia était encore à sa fenêtre avec Pépé. Si tard, vraiment? À quelle heure est-il parti? C'est à moi que tu parles? Il est parti sur les 1h30. C'est exact. Et toi, comment le sais-tu? Je l'ai entendu tousser. Et j'ai entendu le pas de sa mule. Et si moi je l'avais entendu s'en aller sur les 4 heures? Ce n'était pas lui. J'en suis certaine. J'en ai moi aussi l'impression. C'est bizarre. Dis-moi, Augustias, que t'a-t-il dit la première fois qu'il s'est approché de ta fenêtre? Que pouvait-il bien me dire? Rien de particulier. C'est tout de même étrange que deux personnes qui ne se connaissent pas commencent par un tête-à-tête à travers les grilles d'une fenêtre. Et se trouve tout d'un coup fiancé. Moi, cela ne me choque pas. Oh, à moi, cela me ferait je ne sais quoi. Mais non, car un homme qui s'approche d'une fenêtre, les gens qui vont et viennent savent bien qu'il vient pour se déclarer. Bon, c'est donc à lui de le faire. Naturellement. Et comment a-t-il dit? C'est bien simple. Il a dit, tu sais que je te suis. Il me faut une femme bonne, sérieuse. Cette femme-là sera toi, si tu es d'accord. Oh, deux choses pareilles me font honte. Et à moi donc? Mais il faut en passer par là. Et ensuite, a-t-il encore parlé? Oui, lui parlait toujours. Et toi? Je n'aurais pas pu. Le cœur me sortait par la bouche. C'était la première fois que je me trouvais seule avec un homme pendant la nuit. Et un homme si bien tourné. Il n'est pas mal fait, Ces choses-là se supportent entre gens qui ont de l'instruction, qui disent ou qui parlent, qui savent remuer les mains. La première fois que mon mari Évariste tête de sourd vint à ma fenêtre, oh, ben oui. Que s'est-il passé? Il faisait très noir. Je le vis qui s'approchait. Il arrive et me dit bonsoir. Je lui dis bonsoir, moi aussi. Et nous restons là plus d'une demi-heure sans parler. La sueur me courait sur tout le corps. Puis Évariste s'approcha comme s'il avait voulu s'enfoncer entre les barreaux. Et il me dit tout bas, viens, que je te prenne. Oh. Aïe, je croyais que notre mère arrivait. Elle nous aurait bien traités. Elle va nous entendre. Par la suite, ce fut un brave homme. Plutôt que le laisser ne rien faire, je l'ai donné pour élever des chardonnerets jusqu'au jour de sa mort. Vous autres qui n'avez pas d'homme, il faut que vous sachiez que l'homme, à 15 jours de sa noce, quitte le lit pour la table, puis la table pour le cabaret. Et celle qui ne s'en accommode pas, elle se pourrisse à pleurer dans un coin. Toi, tu t'en es arrangé. Oh, avec lui, c'était possible. C'est vrai que quelquefois, tu le battais. C'est vrai? Un peu plus, je le laissais tordu. Voilà comment devrait être toutes les fois. J'ai été à l'école de ta mère. Un jour, il me dit je ne sais quoi. J'ai tué tous les chardonnerets à coups de pilon. Adéla, petite, ne manque pas cette histoire. Adéla, je vais voir. Cette petite est malade. Bien sûr, elle dort à peine. Que fait-elle? Ce que je sais. Tu dois le savoir mieux que moi, tu dors contre son mur. L'envie la mange. Tu exagères. Il suffit de voir ses yeux. Elle commence à avoir un regard de folle. Ne parle pas de fou dans cette maison. C'est ici le seul endroit où l'on puisse prononcer cette parole. C'est vrai? Tu ne dormais pas? J'ai mal partout. Tu n'as pas bien dormi cette nuit? Si. Alors? Laisse-moi! Si j'ai dormi ou veillé, tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Je fais de mon corps ce qui me plaît. Je n'en parle que par intérêt pour toi. Intérêt ou inquisition? N'étiez-vous pas à coudre? Mais continuez donc! Je voudrais être invisible. Pouvoir traverser les pièces sans que vous me demandiez chaque fois où je vais. Bernarda vous demande. C'est l'homme aux dentelles. Ne me regarde pas davantage. Si tu veux, je te donnerai mes yeux, ils sont tout frais. Et mes épaules aussi. Ça arrangera ta bosse encombrante. Mais tourne la tête lorsque je pars. Adéla, c'est ta sœur. Et celle qui t'aime le plus. Elle me suit partout. Elle se glisse dans ma chambre pour voir si je dors. Elle ne me laisse pas respirer. Et toujours, quelle pitié que cette figure. Quelle pitié que ce corps qui ne va être à personne. Et ainsi de suite. Mon corps sera à qui je voudrais. Un pépé le Romano? Non? Que dis-tu? Ce que je dis, Adéla. Tais-toi! Crois-tu que je n'ai pas compris? Parle pas! Tu vas tuer ces pensées-là! Quoi, sais-tu? Nous, les vieilles, nous voyons à travers les murs. Où vas-tu la nuit quand tu te lèves? Tu devrais être aveugle. Avec la tête et les mains pleines d'yeux quand il s'agit de ce dont il s'agit. Mais j'ai beau réfléchir, je ne vois pas ce que tu as idée de faire. Pourquoi t'es-tu mise quasi nue, la lumière allumée, la fenêtre ouverte, quand t'es passé pépé, la deuxième fois qu'il est venu parler avec ta sœur? Mais ce n'est pas vrai! Ne sois pas comme les petits enfants! Laisse pépé à ta sœur! Et s'il te plaît, contiens-toi! D'ailleurs, qui te dit que tu ne peux pas l'épouser? Ta sœur Angustia, c'est une infirme, ne résistera pas à un accouchement. Elle est étroite des hanches, toute vieille. Et avec ce que je sais, je te dis qu'elle mourra! Alors, pépé fera ce que font tous les veufs de la terre. Il épousera la plus jeune, la plus belle, et ça sera toi. Donne à manger à ton espérance. Mais oublie ce que tu voulais faire. Elle ne va pas contre la loi de Dieu. Tais-toi. Je ne me tairai pas. Mêle-toi de tes affaires, vieille flaireuse, perfide. Je dois être ton ombre. Au lieu de nettoyer la maison et de te coucher par terre pour prier tes morts, tu cherches comme une vieille truie les histoires d'hommes et de femmes. Je vais! Que les gens ne gravent pas sur le seuil de cette porte. Quelle tendresse t'es venue tout à coup pour ma sœur. Je ne veux faire la loi pour personne. Mais je veux vivre dans une maison honnête. Je suis vieille. Je ne veux pas me souiller. Les conseils sont inutiles. Il est trop tard. Ce n'est pas par-dessus toi qu'il n'est qu'une domestique. C'est par-dessus ma mère que je sauterai pour étouffer ce feu qui me court dans les jambes et dans la bouche. Mais qu'est-ce que tu peux dire de moi? Que je m'enferme dans ma chambre? Que je ne dors pas? Que je n'ouvre jamais la porte? Je suis plus adroite que toi. On verra si tu peux prendre le lièvre dans tes mains. Ne me défie pas! Ne me défie pas! Parce que je peux me faire entendre, faire de la lumière, et toutes les cloches sonneront. Alors, prends 4000 bengales jaunes et jette-les dans les cours de la basse-cour. Personne ne pourra empêcher d'arriver ce qui doit arriver. Comme tu aimes cet homme. Si je l'aime, quand je regarde ses yeux, c'est comme si je buvais lentement son sang. Je ne veux pas t'écouter. Tu m'écouteras. Tu m'as fait peur. Mais maintenant, je suis plus forte que toi. Toujours à vous chamailler? Bien sûr. Avec la chaleur qu'il fait, c'est entêté à aller acheter je ne sais quoi à l'épicerie. Tu as acheté mon flacon de parfum? Le plus cher est de la poudre. Je les ai mis sur la table de ta chambre. Silence. Nous verrons. Allez là. Viens voir les dentelles. Celles des draps d'Angustia sont bien jolies. Celle-ci? Pour moi, pour une chemise. Cela demande une certaine bonne humeur. Surtout pour les faire admirer. Moi, je n'ai envie de me montrer à personne. Personne ne va voir les gens en chemise. Ça dépend. Mais les dessous m'enchantent. Si c'était pour les miens, je les prendrais en toile de Hollande. C'est un des rares désirs que j'ai. Ces dentelles sont superbes pour faire beau les enfants le jour de leur baptême. Je n'ai jamais pu m'en payer pour les miens. On verra si Angustia n'a plus de chance. Si le mari tient au marmot, vous serez à coudre matin et soir. Je n'ai pas l'intention de donner une aiguillée. Et encore moins de m'occuper des enfants d'autrui. Vois donc les voisines de la rue, sacrifiées pour 4 mioches. Ils sont meilleurs que vous. Au moins là-bas, on rit, on entend le tambourin. Alors va t'en servir chez elles. Non, ce sort m'a planté dans ce couvent. Voilà les hommes qui retournent au travail. 3 heures viennent de sonner. Avec ce soleil. Qui pourra s'en aller aussi dans les champs? Chacun doit suivre les usages de sa classe. C'est ainsi. Hélas. À cette époque, aucune joie ne vaut celle des champs. Les moissonneurs sont arrivés hier matin. 40 ou 50 braves gars. D'où viennent-ils cette année? De très loin, ils arrivent des montagnes, joyeux comme des grenades mûres. Ils poussent des cris, ils se lancent des pierres. Hier, on a vu arriver une femme en robe de paillettes. Elle dansait avec un accordéon. 15 d'entre eux m'ont aussitôt proposé de l'emmener à l'Olivet. Je les ai vus de loin. Celui qui a réussi à s'entendre avec elle était un garçon aux yeux verts, dru comme une gerbe. Non, c'est vrai. C'est très possible. Ah, Dantan envoyait ses femmes. Je donnais de l'argent à mon aîné pour qu'il y aille. Les hommes ont besoin de ces choses-là. On leur pardonne tout. Notre femme est le plus grand châtiment. Nos fils ne nous appartiennent même pas. Ce sont eux. Ils sont remplissants, merveilleux. Ils partent moissonner. De la chaleur. Il moissonne avec une fougue insensée. Oh, j'aimerais aussi pouvoir moissonner. Je me promènerai partout. Et si on oublie ce qui nous meurt? Qu'as-tu donc à oublier? Chacune a ses secrets. Chacune. Oh, taisez-vous, taisez-vous. Oh, quel chant! Il tourne maintenant au coin de la rue. Allons les voir par la fenêtre de ma chambre! Ne l'ouvrez pas trop vite, ils sont capables de flanquer un coup de poing dans le volet pour voir qui les regarde! t'arrive-t-il? Je me sens mal de cette chaleur. C'est tout? J'ai besoin qu'arrive novembre, les jours de pluie, la gelée, tout ce qui me sortira de cet été interminable. Il passera. Il reviendra. Il passera. Bien sûr. À quelle heure t'es-tu endormie la nuit dernière? Je ne sais pas. Je dors comme une souche. Pourquoi? Pour rien. Il m'avait semblé entendre du bruit dans la basse-cour. Vraiment? Il était très tard. Et tu n'as pas eu peur? Non. J'ai déjà entendu ces bruits-là d'autres nuits. Ah, nous devrions faire attention. Et ce ne seraient pas les valets? Les valets arrivent à 6 heures. Peut-être est-ce une jeune mule détachée? C'est ça, c'est ça. Jeune mule, pas dressée. Il faut en parler. Ah non, non, dis rien. C'est peut-être une de mes lubies. Peut-être. Amélia, qu'y a-t-il? Rien du tout. Pourquoi m'appelles-tu? Ça m'a échappé. Je l'ai fait sans m'en apercevoir. Repose-toi un peu. Le Pépé que j'avais sous mon oreiller. Qui de vous me l'a pris? Personne. Je ne pensais pas que Pépé fût un Saint-Barthélemy d'argent. Où est le portrait? Quel portrait? L'une de vous me l'a caché. Tu as l'audace de dire ça. Il était dans ma chambre, il n'y est plus. Tu ne crains pas qu'il ne se soit sauvé à minuit dans la basse-cour? Pépé aime se promener à la lune. À cette plaisanterie. Quand il viendra, je le lui dirai. Ça non, parce qu'on le fera apparaître. J'aimerais savoir laquelle de vous l'a. Aucune. Et toutes sauf moi. Par conséquent... Quel est ce scandale dans ma maison? Au plein du silence, au plein de la chaleur, les voisines doivent avoir l'oreille collée au mur. On m'a pris le portrait de mon fiancé. Qui? Qui? Celle-là. Laquelle de vous? Répondez-moi. Pansia fouille les chambres en regardant les lits. Voilà, on mène la douceur. On m'y prendrait, vous donner de l'air, mais je vais vous dresser, tu en es sûre? Absolument. Tu l'as bien cherché? Oui, mère. On m'a fait avaler à la fin de ma vie le poison le plus âcre qu'une mère puisse supporter. Tu ne trouves pas? Voilà. Où l'as-tu trouvé? Il était... N'aie pas peur. Entre les draps de Martyrio. C'est vrai? C'est vrai. Pitchou crevé! Mouchement! Ce mec de tête! Mais on n'arrêtez pas! Autant qu'il le faudra! Je la laisse grimper, vous entendez? Ne m'a pas ta mère! Je vous en prie, mère, laissez-la. Il ne reste pas une larme dans ces yeux-là. Pas une, pour votre plaisir. Pourquoi as-tu pris le portrait? Je ne peux pas faire une farce à ma sœur. Quelle raison voulez-vous que j'ai eu de le prendre? Ce n'était pas une farce. Jamais tu n'as aimé t'amuser. C'est bien autre chose qui te remuait dans la poitrine et qui voulait sortir. Mais dis-le donc clairement. Et toi, ne me fais pas parler. Parce que si je parle, les murs vont se rejoindre de honte. La mauvaise langue ne s'est qu'inventée. Folle. Et vous nous lapidez avec vos mauvaises pensées. D'autres font des choses plus mauvaises. Jusqu'à ce qu'on les mette nus d'un coup et qu'on les emmène à la rivière. Pervers! Est-ce ma faute si Bébel Romano s'est décidé pour moi? Oh oui, pour ton argent. Oh, meurs! Silence! Silence, je dis! Je voyais l'orage venir. Je ne croyais pas qu'il éclaterait si vite. Quelle averse de haine vous avez jetée sur mon cœur! Mais je ne suis pas encore impotente. Je possède 5 bonnes chaînes pour vous. Et j'ai cette maison que mon père a bâtie. Les herbes des champs elles-mêmes ne sauront rien de mon chagrin. Sortez d'ici! Faudra que je leur fasse sentir ma main. Bernarda, dis-toi que c'est ton devoir. Puis-je parler? Parle, ça m'ennuie que tu aies entendu, ce n'est pas la place d'une étrangère dans le cœur de la famille. Dire que j'ai vu, que j'ai entendu ça. Il faut qu'Angustia se marie tout de suite. Évidemment, il faut la faire sortir d'ici. Pas elle. Lui ? Voir ? Lui, il suffirait de l'éloigner d'ici. Tu penses ? Je ne pense pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas penser, j'ordonne. Et tu crois que lui voudra s'en aller ? Que vas-tu imaginer dans ton crâne ? Rien du tout. Pour sûr, il épousera Angustia. Veux-tu parler ? Je te connais assez pour savoir que tu tiens ton couteau ouvert devant moi. Je n'aurais jamais pensé qu'un conseil puisse être appelé un assassinat. Est-ce que tu dois m'avertir d'autre chose ? T'as toujours été fine. Tu as vu le mauvais des gens à 100 lieues. Beaucoup croyaient que tu devinais les pensées. Mais les enfants sont les enfants. Aujourd'hui, tu es aveugle. Fais-tu allusion à Martirio ? Si tu veux, à Martirio. Pourquoi aurait-elle caché le portrait ? Après tout, elle dit que c'était une farce. Quoi d'autre ça pourrait-il être ? Tu le crois donc ? Je ne crois pas, c'est ainsi. Bon ! Il s'agit de ton sang. Mais s'il s'agissait de la voisine d'en face, que se passerait-il ? Tu commences à sortir la pointe du couteau. Non, Bernarda. Il se passe ici une chose énorme. Je ne vais pas t'en faire porter la faute. Mais vraiment, tu n'as jamais laissé assez de liberté à tes filles. Martirio est amoureuse, dis ce que tu voudras. Pourquoi ne l'as-tu pas laissé épouser Enrique ou Manès ? Pourquoi, le jour même où il devait venir à sa fenêtre, l'as-tu fait dire de ne pas se déranger ? Je le ferai mille fois. Mon sang ne se mêlera pas au sang des Humanes tant que je serai en vie. Son père était valet. Voilà où te mènent tes fumées d'orgueil. Je les ai parce que je suis en condition de les avoir et tu ne peux les avoir parce que tu sais quelle est ton origine. Ne me la rappelle pas. Je suis vieille maintenant. Toujours je t'ai remercié de ta protection. On ne le dirait pas. Martirio saura bien oublier tout ça. Si elle ne l'oublie pas, ce sera pire pour elle. Mais je ne crois pas que ce soit ça, la chose énorme qui se passe ici. Ici, il ne se passe rien. Peut-être le regrettes-tu. Si jamais il arrivait quelque chose, sois bien certaine que rien ne traverserait ces murs. Je n'en sais rien. Au village aussi, il y a des gens qui lisent les pensées cachées. Nous y voilà encore une fois. Encore une fois, tu me remplis de rêves détestables. Je ne veux pas te comprendre, parce que si je laisse entrer en moi tout ce que tu racontes, je suis obligée de t'étriper. Il ne s'en ira pas jusqu'au ruisseau. Heureusement, mes filles me respectent. Jamais elles n'iront contre ma volonté. Évidemment, mais laisse-les libres, elles grimperont sur toi. Je les ferai descendre à coups de pierre. Je sais bien que c'est toi la plus forte. Moi, je réponds toujours du tac au tac. Sûrement. Mais voyons plutôt comment sont les choses. On voit l'enthousiasme d'Angustias pour son galant. Et lui aussi paraît joliment mordu. Hier, mon aîné m'a raconté qu'à 4 heures, hier matin, comme il montait la rue avec les bœufs, ils étaient encore à parler. À 4 heures. C'est un mensonge. C'est ce qu'on m'a raconté. Explique-toi. Depuis plus d'une semaine, Pépé s'en va une heure. Que Dieu me tue si je mens. Moi aussi. Je me suis aperçue qu'il partait à 4 heures. L'as-tu vu de tes yeux ? Je ne voulais pas me montrer. Mais n'étiez-vous pas en train de parler à ce moment-là par la fenêtre de l'Arvel ? Je parle par la fenêtre de ma chambre à coucher. Dans ce cas... Que se passe-t-il ici ? Tâche de bien te renseigner. Un fait certain. À 4 heures du matin, Pépé se trouvait à un grillage de ta maison. En es-tu certaine ? Rien n'est sûr ici-bas. Mais n'écoutez pas celle qui veut toutes nous perdre. Je saurais m'informer. Si les gens du village veulent porter de faux témoignages, ils se briseront contre mon rocher, qu'on ne me parle plus de cette affaire. Quand les gens veulent nous perdre, ils savent très bien soulever des vagues de boue. Moi, je n'aime pas mentir. Il se passera quelque chose. Il ne se passera rien. Je suis née les yeux ouverts et je veillerai sans les fermer jusqu'à ma mort. J'ai aussi le droit de me renseigner. Tu n'as que le droit d'obéir. Je n'ai pas besoin de me faire traîner ni porter. Toi, mets-toi aux affaires de la maison. Ici, on ne fera pas un pas que je ne sache. Dans le haut de la rue, il y a toute une foule. Tous les voisins sont sur le pas de leur porte. Va voir ce qui se passe. Où allez-vous? À chaque instant, vous rompez notre deuil à la cour, vous autres. Remercie le hasard qui m'a empêché de donner ma langue. Moi aussi, j'aurais parlé. Qu'aurais-tu dit? Désirer n'est pas faire. Comme si tu étais capable. Essaie donc. Tu n'attendras pas longtemps. Je l'aurai tout entier. Je briserai tes embrassements. Martirio, laisse-moi. Jamais de la vie. Il me veut dans sa maison. J'ai vu comment il t'embrassait. Je ne voulais pas. J'étais traînée comme une corde. Comme une morte. Bernarda! Qu'arrive-t-il? La fille de la Libralda a eu un fils, on ne sait pas de qui. Et pour cacher sa honte, elle l'a tué. L'a mis sous les pierres. Les chiens l'ont retiré, ils ont plus de cœur que les hommes. Ils étaient guidés par la main de Dieu. Maintenant, tous veulent la tuer. Ils la traînent par terre. Les hommes descendent les sentiers de l'Olivet et poussent des cris à ébranler toute la campagne. Parfait! Ils accourent tous avec des paquets de milliers, des poches de pioche. Tous à la tuerie. Oh non! Non, qu'on ne le dit pas! Bien sûr que si! Allons-y, nous entends-y! Elle a piétiné son honneur, elle paiera! Oh non! Non, n'y allez pas! Que fait celle qui doit? Celle-là s'enfuit! Il faut en finir avec elle avant que n'arrive la garde! Un charbon ardent dans le lieu de son péché! Tu es là! Oh non! Non! Tu es là! Tu es là! Une grande visite. Reste encore un peu, nous ne nous voyons jamais. A-t-on déjà sonné le dernier coup du rosaire? Pas encore. Et ton mari, comment va-t-il? Toujours pareil. Lui non plus, on ne le voit pas. Tu connais ses habitudes. Il s'est disputé avec ses frères pour l'héritage. Et depuis ce temps-là, il n'a pas passé une seule fois à la porte de la rue. Il prend une échelle et il saute le mur de la basse-cour. C'est un homme. Avec ta fille, comment ça va-t-il? Je ne lui ai pas pardonné. Tu fais bien. Je n'en sais rien. Ça me fait mal. Une fille qui désobéit cesse d'être une fille, elle devient une ennemie. Je laisse l'eau courir. Ma seule consolation est de me retrancher à l'église. Mais je perds mes yeux et les gamins se moquent de moi. Bientôt, je ne serai même plus capable d'aller jusque-là. Que se passe-t-il? Le talon est enfermé, il rue contre le mur. Tirez-le de là, mettez-le dans la cour. Il doit être en chaleur. Tu vas le mettre avec les nouvelles juments. À l'aurore. Ah, tu as bien su l'augmenter, ton bétail. À force d'argent et de tracas. Il a le plus beau troupeau de tout le pays. C'est une pitié que les prix soient si bas. Veux-tu un peu de fromage et de miel? Non, merci, je n'en ai pas envie. Non. Mon Dieu! Oh, il me résonne dans la poitrine. Faut-il dire les choses deux fois? Sortez-le de là! Il est en train de se rouler dans l'état de paille. Mettez les juments dans l'étable, lui laissez-le libre. Sinon, il nous jette les murs à bas. Ah, quelle vie! Et luttant comme un homme. C'est ainsi. Où vas-tu? Boire de l'eau. Tire un seau d'eau fraîche, tu peux t'asseoir. Et Angustias, quand se marie-t-elle? Ils viennent la demander dans 3 jours. Tu es contente? Évidemment. Tu as renversé le sel. Bon, Bart, ton sort ne peut être pire qu'il n'est. Cela porte toujours malheur. Allons donc. Il t'a donné ton anneau? Oui. Regardez-le. Oh, il est joli. 3 perles. De mon temps, les perles voulaient dire des larmes. Depuis, les choses ont changé. Je ne crois pas. Les choses ont toujours le même sens. Les bagues de fiançailles doivent être en diamant. Oui, cela convient mieux. Allez, avec ou sans perles, les choses sont comme on les fait. Ou comme Dieu en décide. On m'a dit que les meubles sont superbes. J'ai dépensé 16 000 réaux. Le plus beau, c'est l'armoire à glace. Je n'en ai jamais vu. Nous autres, nous avions un coffre. Oh, bien sûr, c'est merveilleux. C'est le dernier son. Tu me montreras ton linge une autre fois. Quand vous voudrez. Que Dieu vous donne une bonne nuit. Au revoir, Brunetia. Au revoir, Brunetia. Allez avec Dieu. Le dîner est terminé. Je vais jusqu'au portail m'étirer les jambes et prendre un peu le frais. Je vais avec toi. Moi aussi. Je ne vais pas me perdre. La nuit demande compagnie. Je t'ai déjà dit que je veux que tu parles avec Martirio. L'affaire du portrait est une farce, tu dois l'oublier. Mère, vous savez qu'elle ne m'aime pas. À chacun ses pensées, je ne me mets pas dans les cœurs, mais je veux une façade solide et une famille où on s'entende bien. Oui, mère. Alors fais comme je te dis. Si tu veux marcher contre l'air, il me semble qu'il est tard. À quelle heure as-tu fini de parler la nuit dernière? À 00h30. Que t'as dit Pépé? Je l'ai trouvé distrait. Il me parle toujours en pensant à autre chose. Si je lui demande ce qui se passe, il me dit que les hommes ont beaucoup de soucis. Ne lui pose pas de questions. Et quand tu seras mariée, encore moins. Parle s'il parle, regarde-le quand il te regarde. Ainsi, tu ne seras pas déçue. Mère, je crois qu'il me cache beaucoup de choses. Ne te mêle pas de les découvrir, ne lui pose pas de questions, et surtout qu'il ne te voit jamais pleurer. Je devrais être heureuse. Je ne le suis pas. Je reviens tout même. Bien souvent, je le regarde fixement, et il s'efface à travers les barreaux, comme caché par un nuage de poussière. La poussière des troupeaux. Ça vient de la fatigue. Je le souhaite. Vient-il cette nuit? Non. Il est allé au chef-lieu avec sa mère. Nous nous coucherons donc plus tôt. Magdalena! Elle s'est endormie. Que la nuit est obscure. On ne voit pas de pas. Une bonne nuit pour les voleurs. Une bonne nuit pour tout ce qui veut se cacher. Les talons étaient au beau milieu de la cour. Il était tout blanc. Sa taille doublée. Il emplissait tout le noir. C'est vrai, il m'a fait peur. Il avait l'air d'une apparition. Il y a dans le ciel des étoiles par poignées. Elle s'est mise à les regarder, elle allait se briser le cou. Tu ne les aimes pas, toi? Moi, les histoires détruisent le dedans ou ne me touchent pas. J'en ai assez avec le dedans des chambres. Cela te regarde. Ces affaires la regardent comme les tiennes te regardent. Bonne nuit. Tu vas déjà te coucher? Oui. Cette nuit, Pépé ne vient pas. Mère, pourquoi dit-on quand une étoile file? Sainte Barbara bénite qui dans le ciel est écrite avec papier et eau bénite. Les anciens savaient beaucoup de choses que nous avons oubliées. Moi, je ferme les yeux pour ne pas les voir. Moi, pas. J'aime regarder courir plein de lumière ce qui était immobile. Immobile pendant des années. Oui. Ces choses-là n'ont rien à voir avec nous autres. Il vaut mieux ne pas y penser. Quelle nuit éclatante. J'aimerais rester là très tard. Pour prendre toute la jouissance de la fraîcheur. Toute la fraîcheur de la campagne. Mais il faut aller se coucher. Magdalena. Elle est dans son premier sommeil. Magdalena. Oh, c'est moi, là. Oui. Au lit. Vous ne pouvez pas laisser les gens tranquilles. Bonne nuit. Allez, vous aussi. Comment se fait-il que cette nuit, le galant d'Angustias ne soit pas venu? Il est en voyage. Ah? À demain. Bonne nuit. Vous êtes encore là? Tout à jouir de ce silence. Sans réussir à voir nulle part la chose énorme qui se passe ici, d'après toi. Bernarda, n'en parlons plus. Dans cette maison, il n'existe ni de oui ni de non. Ma vigilance domine tout. Rien ne traverse au dehors, c'est vrai. Tes filles sont là. Elles vivent comme fourrées dans les placards. Mais ni toi ni personne n'est capable de surveiller l'intérieur de leurs veines. Mes filles ont une respiration tranquille. C'est ce qui compte pour toi, qui est leur mère. À moi, le service de ta maison me donne assez d'ouvrage. Tu te tais de nouveau? Je me trouve à ma place et en paix. La vérité est que tu n'as rien à dire. Si dans cette maison il pouvait y avoir des herbes, tu te chargerais d'amener pour les paître toutes les brebis du voisinage. Je cache plus de choses que tu te crois. Est-ce que ton fils voit encore Pépé à 4 heures du matin? Est-ce que la médisance chante encore la litanie de cette maison? On ne dit rien. Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas de viande ou mordre. C'est aux veilles de mes yeux que cela se doit. Je ne veux pas parler. Parce que ta méchanceté me fait peur. Mais ne sois pas si sûr de toi. On ne peut plus sûr. Et que tout à coup tombe la foudre. Et que tout d'un coup, un paquet de sang arrête ton cœur. Rien ici ne s'arrêtera. Je suis gardée contre tout ce que tu supposes. Tant mieux pour toi. Il ne manquait plus que ça. J'ai fini de laver la vaisselle. Voulez-vous quelque chose, Bernarda? Rien. Je vais aller me reposer. À quelle heure veux-tu qu'on t'appelle? À aucune. Cette nuit, je vais dormir tout mon souffle. Quand on ne peut rien contre le mal, le plus facile est de tourner le dos pour ne pas le voir. Elle est tellement orgueilleuse qu'elle se met elle-même un bandeau sur les yeux. J'ai voulu me mettre en travers des choses. J'en ai maintenant trop peur. Tu sens ce silence? Dis-toi qu'il y a une tempête dans chacune des chambres de cette maison. Le jour où elles éclateront, nous serons toutes balayées. J'ai dit ce que je devais dire. Bernarda croit que personne ne peut rien contre elle. Elle ne sait pas la force qu'un homme possède parmi les femmes seules. Ce n'est pas la faute de Pépé le Romano. Il est vrai que l'an passé, on le voyait derrière Adela. Et celle-ci était folle de lui. De son côté, il aurait dû se tenir à sa place et ne pas le provoquer. Un homme est un homme. Mais les gens ne croient pas que Pépé ait passé beaucoup de nuits à parler avec Adèle. C'est vrai. Il y a autre chose. Je ne sais pas ce qui va se passer. Quant à moi, j'aurais plaisir à traverser la mer et à laisser cette maison de bataille. Et Bernarda est en train de presser la noce. Il est possible qu'il ne se passe rien. Mais les choses sont complètement mûres. Adèle est décidée à tout. Et les autres veillent sans arrêt. Partirio aussi? C'est la plus mauvaise. Un puits de venin. Elle a vu que le Romano n'était pas pour elle. Elle détruirait le monde si elle pouvait le tenir dans sa main. Quelle méchanceté! Les chiens aboient. Ce sont des femmes sans hommes, rien de plus. Dans ce genre d'affaires, on oublie jusqu'au sang. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les chiens qui sont en train de voler. Quelqu'un a dû passer le portail. Tu n'étais pas couchée? Je viens boire. Je te croyais endormie. La soif m'a réveillée. Et vous autres? Vous n'allez pas vous reposer? Oui, nous y allons. Allons. Nous avons bien gagné notre sommeil. De tout le jour, Bernarda ne me laisse pas de repos. Et les chiens sont comme fous. Ils ne vont pas nous laisser dormir. Petite brebis, mon petit enfant, allons au bord de la mer. La petite fourmi est sur sa porte. Je te donnerai la tétée et du pain. Bernard, en face du léopard de Magdalena, en face du hyène. Petite brebis, allons au rameau de la grande porte de Bethléem. Ni toi ni moi ne voulons dormir. La porte s'ouvrira toute seule. Et sur la plage, nous nous mettrons dans une cabane de corail. Bernard, en face de léopard, Magdalena, en face de hyène. Petite brebis. Allons au rameau de la grande porte de Bethléem. Grand-mère, où allez-vous? Va m'ouvrir la porte. Qui es-tu? Comment vous trouvez-vous ici? Je me suis sauvée. Mais qui es-tu? Allez-vous coucher. Tu dois être Martirio. Je te vois, Martirio. Face de Martirio. Mon petit enfant, mon petit enfant, mon petit enfant. Mon petit enfant. Et toi, quand auras-tu un enfant? Moi, j'ai eu celui-ci. Où avez-vous pris cette brebis? Je sais bien que c'est une brebis, mais quoi? Une brebis ne va-t-elle pas être un enfant? Il vaut mieux avoir une brebis que de ne rien avoir du tout. Bernard, ta face de léopard, Magdalena, face de hyène. Elle n'est pas si fort. Oui, c'est vrai. Tout est très noir. Parce que j'ai le poil blanc, tu crois que je ne peux pas avoir des petites filles? Mais si, des petites filles, oh! Des petites filles, des petites filles. Ce bébé aura le poil blanc et il aura un autre bébé et celui-là un autre. Et tous avec notre poil de neige, nous serons comme les vagues. Une et une autre et une autre. Et puis ensuite, nous nous assierons tous et tous nous aurons les cheveux blancs et nous serons l'écume. Mais pourquoi n'y a-t-il pas ici d'écume? Il n'y a ici que des voiles de deuil. Taisez-vous. Quand la voisine a eu un bébé, je lui ai donné du chocolat. Et puis elle me l'a apporté à moi. Et ainsi toujours, toujours. Tu auras le poil blanc, mais les voisines ne viendront pas. Il faut que je m'en aille parce que j'ai peur que les chiens me mordent. Tu vas m'accompagner dans les champs, hein? Oh, je veux des champs, je veux des maisons, mais des maisons vertes. Les voisines couchées dans leur lit, leurs enfants éveillés, et les hommes dehors, assis sur leurs chaises. Pépé le Romano est un géant. Toutes vous le voulez, mais lui, lui, il va vous dévorer parce que vous autres, vous êtes des grains de blé. des grains de blé. Oh, mais non, des grenouilles sans langue. Allons nous coucher. Allez, au lit. Oui, mais tu m'ouvriras, tu le promets. Certainement. Allez, allez. Mon petit brebis, mon petit enfant. Allons au bord de la mer. La petite fourmi est sur sa porte. Je te donnerai la tétée. Attends-la. Attends-la. Pourquoi me cherches-tu? Laisse cet homme. Qui es-tu, toi, pour me parler ainsi? Ce n'est pas un endroit pour une femme convenable. Ce n'est pas l'envie qui t'a manqué de t'y mettre. Le moment est venu pour moi de parler. Cela ne peut continuer. Tu ne vois que le début. J'ai eu la force d'avancer jusque-là. Il mérite le courage que toi, tu n'as pas. J'ai vu la mort sous ce toit-ci. Et je suis sortie pour aller chercher ce qui m'appartient, ce qui est à moi. Cet homme venait pour une autre. C'est toi qui t'es mise en travers. Il venait pour l'argent. Mais ses yeux, c'est toujours sur moi qu'il les a posés. Je ne permettrai pas que tu l'enlèves. Il se mariera avec Angustias. Tu sais mieux que moi qu'il ne l'aime pas. Je le sais. Tu le sais. Tu l'as vu. C'est moi qui l'aime. Mais oui, c'est moi qui l'aime. C'est moi qui l'aime. Donne-moi un coup de couteau si tu en as envie. Je le répète. C'est pourquoi tu prends soin que je n'aille pas avec lui. Peu importe qu'il embrasse une femme qu'il n'aime pas. Moi aussi, d'ailleurs. Il peut bien demeurer 100 ans avec Angustias. Mais moi, qu'il me prenne dans ses bras, ça te fait un effet terrible. Hein? Parce que toi aussi, tu l'aimes. Toi aussi. Oui, je l'aime. Laisse-moi le dire, tout le monde s'en dehors. Que mon cœur éclate comme une grenade d'amertume. Je l'aime. Martirio. Martirio. Ce n'est pas de ma faute. N'embrasse pas. Ne cherche pas à m'amollir les yeux. On s'en est plus, tiens. Je voudrais pouvoir te regarder comme une sœur, mais... Tu es une femme. Tu es une femme. Il n'existe pas de remède. Celle qui doit s'étouffer, qu'elle s'étouffe. Pepe le Romano est mien. Il m'a porté jusqu'aux gens de la rivière. Ça ne sera pas. Je ne peux plus supporter l'horreur de ses toits. Après avoir goûté à la saveur de sa bouche, je serai ce qu'il voudra que je sois. Tout le village contre moi et me brûlant de ses doigts de feu. Poursuivi par ceux qui disent donc qu'ils sont la vertu, je mettrai devant tous la couronne d'épines que portent les femmes aimées d'un homme marié. Tais-toi, tais-toi! C'est ça, c'est ça. Laissons-le se marier avec Angustias. Je m'en moque. Je m'en irai vivre dans une maison. Petite. Petite. Loin. Il viendra me voir. Toutes les fois qu'il voudra. Toutes les fois qu'il aura envie de moi. Ça ne se fera pas. Tant que j'aurai une goutte de sang dans le corps, ce n'est pas toi qui n'es qu'une mourviette. Mais un cheval cabré que je suis capable de mettre à genoux par la seule force de mon petit doigt. N'élève pas cette voix qui me met hors de moi. J'ai le cœur plein d'une force si mauvaise que sans le vouloir, je m'étouffe moi-même. Tu nous apprends à nous aimer entre sœurs. Mais au milieu de toute cette obscurité, Dieu a dû me faire solitaire. Je te regarde, comme si je ne t'avais jamais vu. Où vas-tu? Où de toi de la porte? Pas si tu peux. Retire-toi. Mais... Laisse-moi. Laisse-moi. Taisez-vous. Quelle misère de ne pas pouvoir tenir la foudre entre ses mains. Elle était avec lui. Regardez son jupon plein de paille. C'est la couche des filles mal nées. Ici vont mourir les voix de ton tribunal. Voilà ce que je fais avec le sceptre des tyrans. Ne fais pas un pas de plus. Chez moi, Pépé Saint commande. Je suis sa femme. Rends-toi compte par toi-même. Va dans la cour, le lui dire. maison. Il est là, à côté. Il respire comme un lion. Mon Dieu. La carabine, où est la carabine? On ne pourra rien contre moi. Tu ne sortiras pas d'ici ton corps, crampon. Laisse-la, voleuse. Déshonneur de ma maison. Ose le chercher maintenant. Pépé, le Romano est mort. Pépé. Mon Dieu. Pépé. Vous l'avez tué? Jamais! Il partait au galop sur sa lune! C'est ma faute, une femme ne sait pas viser. Mais pourquoi lui avoir dit? Pour elle! De sa tête aurait giclé un fleuve de sang! Maudite sois-tu, fille du démon! C'est mieux ainsi! Adèle! C'est un marteau. Ah! Quoi? Oh, Dieu nous garde de cette porte. N'entre pas. C'est Pépé. Tu t'en vas courir encore vivant à travers des allées obscures, mais un jour tu paieras. Décrochez-la. Ma fille est morte vierge. Emmenez-la comme si elle était une jeune fille. Personne ne dira rien, elle est morte vierge. Et occupez-vous de faire sonner les cloches de son petit jour. Qu'elle soit heureuse mille fois, elle qui a pu le posséder. Je ne veux pas de gémissements. La mort, il suffit de la regarder face à face. Silence. J'ai dit le Saint-Père ! Les larmes. Quand tu seras seule, nous nous noierons toutes dans une mer de deuil. Elle, la Benjamine de Bernard Alba, elle est morte, vierge. Silence. J'ai dit silence. Silence.